La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football, on continue notre chronique de football collégial avec des joueurs du Haut-du-Lac qui évoluent dans le football collégial un peu à Ville-Saguenay et au Lac-Saint-Jean. Et là, on va parler maintenant avec un gars qui a transféré de collège cette année. C'est Jonathan Potvin qui a transféré des Patriotes de pas des Patriotes, mais des Gaillards de Jonquière aux Cougars de Chicoutimi. Salut Jonathan! Salut! Jonathan, d'abord, si on parlait un peu de ta saison ou ta décision que tu as prise, c'était une grosse décision. Qu'est-ce qui a motivé ta grosse décision de changer de collège? Moi, en gros, ma décision, c'était vraiment par rapport à l'école. Là. J'étais en sciences humaines à Jonquière, puis ça m'intéressait pas vraiment à ce que je faisais là-bas, donc j'ai décidé de rencontrer une conseillère en orientation, puis j'ai voulu, puis là, ben maintenant, je suis orienté vers Genesee à Chicoutimi. OK. Puis j'imagine, bon, ben, ça a été une bonne décision, puis là, évidemment, tu as changé de collège, tu évolues maintenant avec les Cougars de Chicoutimi. Est-ce que le collège, c'est différent, le cahier de jeu, apprendre tout ça, est-ce que c'est différent? Oui, c'est sûr, c'est différent d'équipe en équipe. Là. C'est sûr qu'il y a toujours des affaires qui se ressemblent quand même, mais c'est pas les mêmes jeux. OK. Est-ce que c'est long à apprendre? Est-ce que là, tu te sens à l'aise ou c'est... C'est sûr que on doit tous mettre du travail pour apprendre par cœur nos jeux, mais quand on les sait, puis ça va bien, c'est quand même... C'est facile. Hein. Au niveau football, les Cougars ont un petit peu moins de profondeur que les Gaillards. Donc, j'imagine que tu as plus de temps de jeu aussi. Ça te permet de te développer comme joueur de football? Ça dépend vraiment. C'est sûr que ici, cette année, j'ai eu quand même du temps de jeu comme je voulais. Là. OK. Mais je crois que si j'allais continuer de développer mon football avec les Gaillards cette année, j'aurais eu du temps de jeu aussi. Là. OK. Si on parlait un peu justement du début de saison, c'était quoi? Vous avez une victoire, une défaite jusqu'à maintenant, c'est ça? En ce moment, on a deux victoires, une défaite. Deux victoires, une défaite. Est-ce que c'est le début de saison que l'équipe anticipait? Est-ce que c'est vraiment où on est vraiment là où ce qu'on voulait? Si, c'est. Si le début de saison que l'équipe anticipait, est-ce qu'on est satisfait du côté des Cougars du début de saison? C'est sûr qu'on a beaucoup d'affaires à améliorer. Okay. On croyait que ça allait être une plus grosse... ça allait être plus serré entre Jonquière et nous. C'est sûr que ça n'a pas été vraiment notre game, mais on travaille pour ça, puis on va se reprendre à la deuxième game contre eux. Oui, ben ça a été difficile, le premier match. Hein? Oui. Donc, c'est sûr que c'est toute qu'une machine de football, là, quelque part, les Gaillards de Jonquière. Génie civil, comment tu trouves ça à date? Tu te sens-tu vraiment dans ton domaine? Oui, à date, j'ai beaucoup de points en commun qui viennent me rechercher. Là. J'adore vraiment ce qu'on fait pour le moment, mais comme c'est ma première session, donc j'ai hâte de voir comment ça va continuer. Là. OK. Je parlais avec la semaine passée avec Jordan Fortin. C'est quand même une grosse période. Hein, je veux dire, c'est beaucoup de travail jumeler les deux. Oui, vraiment. Faut trouver le juste équilibre entre l'école et le football. OK. Toi, as-tu l'intention de te rendre éventuellement au niveau universitaire? Moi, pour l'instant, je suis seulement à ma deuxième année de cégep. C'est sûr que je vais faire 4 ans de football au cégep. Donc, je vais commencer par finir ces 4 années-là, puis ensuite, je vais voir comment ça va se dérouler. OK. L'adaptation avec tes nouveaux coéquipiers? Est-ce que tu étais bien reçu? Est-ce que tu es... Ouais, ben moi, dans le fond, au secondaire, j'avais joué avec quelques gars des Chicoutimi déjà. Oui, oui, c'est vrai. Quand j'étais arrivé dans les Cougars, ben, c'était comme je connaissais pas mal la moitié déjà. C'est sûr qu'il y en a beaucoup que je connaissais pas non plus, mais ils m'ont accueilli comme si je faisais déjà partie de l'équipe, puis ça a été numéro un. Ça doit faire bizarre, pareil, parce qu'il y a une rivalité entre Chicoutimi et Jonquière. Là, l'année passée, t'évoluais pour Jonquière, cette année, t'évolues pour Chicoutimi. Ça doit faire bizarre un peu. Ouais, c'est sûr que... Quand on a joué contre Jonquière, tu sais, je voyais tous mes anciens coéquipiers, mais tu sais, on reste amis pareil. Quand on est en dehors du terrain, puis quand on est sur le terrain, on est amis. C'est comme ça que je vois ça. Ouais, c'est bien ça. Ben, Jonathan, on va te souhaiter la meilleure des chances avec les Cougars de Chicoutimi. Je pense que quelque part, c'est une belle expérience également. Puis tu te demandais si ça allait être bon en entrevue. Je peux te dire que pour une première, c'est quand même positif. Ta main va être fière de toi. Merci. Voilà, donc c'était Merci. le demi de coin des Cougars de Chicoutimi et natif de Dolbeau-Mistassini, Jonathan Padvin.